Hey, yo. Yes, it's a one pair girl over. Et comment ça va, mon petit Philippe? Comment ça va, mon petit Philippe? Philippe? Comment ça va, mon petit Philippe? Comment ça va, mon petit Philippe? Comment ça va, mon petit Philippe? Comment ça va, mon petit Philippe? J'espère que tu vas bien. Comment ça va, mon petit Philippe? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, mon petit Philippe. Ukulélé, waouh, yeah, vas-y. Apparemment tu l'as essayé toi. Thank you. CA, sexo, what? Je sais pas comment on donne le 20 watts. Toi, c'est Ibanez, c'est ça? Ibanez, hein? Oui, le Prometheus, j'ai le 500 watts, ça vaut le marque basse. C'est quand même moins cher. Ok. C'est étonnant, hein, le ukulélé basque. Ça me fait penser à une contrebasse. C'est fretless. Hein? Je sais pas si t'as entendu, c'est fretless. Hein? Voir sur Facebook. Je vais aller boire un petit café. Je reste connecté. Je reste connecté. C'est un bon marché pour essayer un jack. Ah ouais, je connais pas ça. Je peux plus jouer de la basse. Parce que depuis que je me suis pété le poignet. J'arrive pas à tourner les doigts. Alors je joue du synthé. Pour les vacances, c'est super. Ah ouais. La Music Store, ouais, c'est sympa, j'ai acheté plein de trucs là-bas. Les prix sont planchers. We'll be right back. Allez, allez. La Vanza.